Occupée par l'éducation de la petite Adèle, Jane passe des mois paisibles à Thornfield Hall, en compagnie de Mrs. Fairfax, la femme de charge de la maison. Jusqu'au jour où le maître du domaine, Mr. Rochester, vient y prendre ses quartiers pour quelque temps. Énigmatique et brusque, il éveille la curiosité de Jane. Il n'est pas rare de les trouver discutant avec entrain. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. Cinquième épisode. Adèle est la fille d'une danseuse de l'Opéra de Paris, Céline Varance. Or, un soir, je vis cette charmeuse accompagnée d'un cavalier. Il me sembla entendre un sifflement, et le serpent de la jalousie pénétra mon cœur. J'en aurais eu fini si, par malheur, la Varance ne m'avait donné 6 mois auparavant la petite Adèle, qui était ma fille, Céline l'affirmait du moins. Et elle l'est peut-être, après tout. Quoique je ne me reconnaisse pas dans ses traits. Quelques années après, la mère abandonna son enfant pour se sauver en Italie avec un musicien. Je voulus arracher la pauvre créature au ruisseau parisien et l'amener ici. Mrs. Fairfax vous a depuis trouvé pour l'élever. Mais maintenant que vous savez qu'elle est une enfant illégitime, votre poste ne vous plaira plus autant. Et un de ces jours, vous allez m'annoncer que vous en avez trouvé un autre. Non. Adèle n'est pas responsable des fautes de sa mère ni des vôtres. J'ai de l'affection pour elle. Et puisque je sais maintenant qu'elle a été abandonnée par sa mère et reniée par vous, je m'attacherai d'autant plus à elle. Comment préférerais-je l'enfant gâté d'une famille opulente qui haïrait sa gouvernante à une orpheline dédaignée qui la regardera comme une amie ? Ah, c'est là votre point de vue. Une nuit, j'entendis un murmure vague et lugubre qui venait de la chambre du dessus. Je me réveillais. Le bruit s'éteignit. L'horloge sonna 2 heures. Qui est là ? Quelqu'un était à ma porte. Il y eut un rire démoniaque, profond, contenu et étouffé, qui semblait passer par le trou de la serrure. Le son étrange se répéta. J'entendis un gémissement sourd, puis des pas s'éloignèrent vers l'escalier. Qui est là ? Enfin, le silence se rétablit. Était-ce Grace Poole ? Cette femme était-elle donc possédée ? Je décidai d'aller trouver Mrs. Fairfax. Le couloir était plein de fumée et il y régnait une forte odeur de brûlé. Un craquement retentit. C'était la porte de Mr. Rochester. La fumée venait de là. L'instant d'après, j'avais pénétré dans sa chambre. Le lit était en flammes, mais Mr. Rochester profondément endormi, peut-être même évanoui. Est-ce une inondation ? Non, monsieur, un incendie. Oh, par tous les diables, c'est donc vous, Jane. Avez-vous comploté de me noyer ? Levez-vous, monsieur. Quelqu'un s'est attaqué à vous, en effet. Je ne sais pas qui. Voilà, je me lève. Attendez. Ah oui. Voici ma robe de chambre. Qu'est-il arrivé ? Avez-vous vu quelqu'un dans le couloir ? Non, seulement une bougie par terre. Et j'ai entendu le rire de Grace Poole. C'est bien qu'il n'y ait que vous qui sachiez ce qui s'est passé cette nuit. N'en parlez pas, rentrez dans votre chambre. Je vais m'étendre sur le divan de la bibliothèque pour le reste de la nuit. Alors bonne nuit, monsieur. Comment, vous me quittez déjà ? Et de cette manière ? Vous m'avez dit de rentrer chez moi, monsieur. Mais pas avec cette froideur. Vous venez de m'arracher à une mort atroce et cruelle. Vous m'avez sauvé la vie. Je suis heureux d'avoir contracté envers vous cette dette inappréciable. Je ne voudrais pour rien devoir la vie à toute autre personne. Mais à vous, c'est différent. La reconnaissance ne me semble pas un fardeau. Bonne nuit, monsieur. Il n'y a ni dette, ni fardeau, ni reconnaissance dans un acte si simple. Je savais que vous me feriez du bien un jour ou l'autre. Je l'ai vu dans vos yeux. Leur expression, leur sourire, n'ont pas pour rien ravi mon cœur. On parle de sympathie personnelle. J'ai entendu parler de bon génie. Les fables les plus hardies renferment des parcelles de vérité. Bonsoir, chère protectrice. Quand je pense que Mr. Rochester a failli brûler dans son lit... Vous ne le savez pas, misère ? Hier soir, il s'est endormi en laissant la bougie allumée et les rideaux ont pris feu. Je me demande comment il a pu ne réveiller personne. Enfin, au moins aujourd'hui, il a beau temps pour son voyage. Son voyage ? Mr. Rochester est parti ? Oui, aussitôt après le déjeuner. Je crois qu'il y a une grande réunion chez Mr. Richton. Mr. Rochester est si gai en société qu'on le réclame partout. Les dames l'apprécient beaucoup. Son habitude du monde, peut-être aussi sa fortune et sa naissance, compensent ses défauts physiques. Y a-t-il des dames à l'IAS ? Oui, bien sûr. Il y a surtout l'honorable Blanche Ingram. Je l'ai vue il y a 6 ou 7 ans, à un bal que Mr. Rochester donnait pour Noël. Elle avait alors 18 ans et elle était sans conteste la reine de la fête. Et cette jeune fille n'est pas encore mariée ? Il paraît que non. Mais vous ne mangez pas. Vous n'avez pas goûté votre tartine depuis que le thé est servi. Toi. Toi, aimable aux yeux de Mr. Rochester. Toi, tu crois avoir le don de lui plaire, avoir quelque importance à ses yeux. Pauvre dupe. Tu repassais dans ton esprit la scène de la nuit passée. Ah, rougis. Il t'a fait compliment de tes yeux, aveugle que tu es. Belle avance pour une femme que d'être flattée par un supérieur qui ne songe pas à l'épouser. Pure folie de sa part que de s'abandonner à un amour qui lui déchirera le cœur, puisqu'il ne peut être payé de retour et qu'il doit rester ignoré. Je passais ainsi 15 jours avant que Mr. Rochester ne donne de ses nouvelles. Il revient dans 3 jours, et pas tout seul. Il m'envoie l'ordre de mettre en état toutes les plus belles chambres. La maison sera pleine de monde. Léa, occupons-nous du tapis pour la dépoussiérer. D'accord. Et Jane, puis-je vous apporter la vaisselle ? Les verres, les services de verre. Oh, et bien moi qui trouve que nous sommes trop tranquilles ici, pour une fois nous allons avoir de l'ouvrage. Léa ? Ah, les amis. Bienvenue à Fort Hugo. Et là, c'est Miss Ingram. Regardez comme elle est belle. J'ai fait remarquer à Mr. Rochester combien Adèle désirait être présentée à ces dames. Et il a dit, dites-lui de descendre au salon après dîner et priez Miss Eyre de l'accompagner. Ce ne fut pas sans une certaine appréhension que je vis approcher l'heure où je devais me présenter au salon avec Adèle. La pièce était déserte. Puis nous entendîmes les convives se lever de table et les dames parurent au salon. Mrs. Ashton et ses 2 filles, Lady Lynn, Madame la colonelle Dent et enfin la baronne douairière Ingram et ses 2 filles, Mary et Blanche. Cette dernière m'intéressa tout particulièrement. Je voulais me rendre compte, je l'avoue, si elle avait des chances de plaire à Mr. Rochester. Elle avait une taille de déesse, un buste plein, le cou gracieux, les yeux sombres, les boucles noires. Tout y était. Mais son visage, son expression avait quelque chose de si hautain et son rire tellement moqueur. Mais en savais-je davantage sur le choix que ferait Mr. Rochester ? Non, certes. Les messieurs parurent à leur tour. J'essayais de me concentrer sur le tricot qui reposait sur mes genoux, mais je ne vis que lui. Mr. Rochester me captivait. Je n'étais plus maîtresse de mes sentiments. Mon intention n'était pourtant pas de l'aimer. J'avais tant lutté pour arracher de mon cœur les germes de cet amour. Et maintenant, à notre première nouvelle rencontre, il revivait. Je décidai de me retirer discrètement. Misset, comment allez-vous? Qu'avez-vous fait pendant mon absence? Rien de spécial. J'ai donné des leçons à Adèle. Et vous avez beaucoup pâli. Qu'avez-vous donc? Je n'ai rien, monsieur. Rentrez au salon. Vous vous retirez trop tôt. Je suis fatiguée, monsieur. Eh bien, je vous excuse pour ce soir, mais tant que mes invités seront là, je veux que vous paraissiez au salon. J'y tiens particulièrement. Allez maintenant. Et envoyez Sophie chercher Adèle. Bonne nuit, ma... Je l'ai dit, j'avais appris à aimer Mr. Rochester et je ne pouvais faire autrement que de l'aimer maintenant. Pourtant, je le voyais accorder toutes ses attentions à une grande dame qui ne posait sur moi son regard alquier que pour le détourner aussitôt, comme si j'étais indigne d'arrêter son attention. Mais j'avais beau être continuellement témoin de la cour qu'il lui faisait, il m'était impossible de ne plus l'aimer. Un soir, alors que Mr. Rochester n'était pas encore rentré de Millcote, un inconnu se présenta comme un de ses amis et décida d'attendre son retour. Au cours de la soirée, j'appris que le nouvel arrivant s'appelait Mr. Mason. Les noms de Jamaïque, Kingston, Spanish Town m'indiquèrent qu'il venait des Antilles. Et je fus surprise d'apprendre qu'il avait rencontré Mr. Rochester là-bas. Très longtemps à Kingston, en Jamaïque. Oui, je suis maintenant installé à... Je réfléchissais à ces choses quand un incident interrompit le cours de ma rêverie. Une vieille femme, diseuse de bonne aventure, se présentait à la porte. Après discussion, elle fut admise et reçut les jeunes filles dans la bibliothèque. Blanche Ingram revint sombre et troublée de sa séance, si bien que les filles de Mrs. Ashton et Mary Ingram y allèrent toutes ensemble. Elles accueillirent les prédictions de la vieille femme avec rire et à grands cris. On va ensuite me prier de me présenter, car la bohémienne jurait qu'elle ne partirait pas avant d'avoir vu toutes les jeunes filles. Je me glissai hors de la pièce sans être remarquée et regagnai la bibliothèque. Je n'avais pas peur. Eh bien, vous voulez qu'on tire votre horoscope ? Dites-le-moi si vous voulez, mais je dois vous prévenir que je n'y crois guère. Quel aplomb de me dire cela ! Pourquoi ne tremblez-vous pas ? Je n'ai pas froid. Pourquoi ne pâlissez-vous pas ? Je ne suis pas malade. Pourquoi n'avez-vous pas recours à mon art ? Je ne suis pas une sotte. Vous avez froid, vous êtes malade et vous êtes sotte. Prouvez-le. Je vais le faire. Vous avez froid parce que vous êtes seule. Vous êtes malade parce que le sentiment le meilleur, le plus doux, le plus sacré que l'homme puisse éprouver, vous est interdit. Vous êtes sotte parce que... vous ne lui ferez pas signe d'approcher. Vous ne ferez pas un seul pas à sa rencontre, quelles que soient vos souffrances. Vous pourriez dire cela à n'importe quelle personne qui vit isolée et dépendante dans une grande maison. Je pourrais, mais est-ce que cela tomberait juste? Parce qu'il n'y a pas tant de personnes qui soient précisément dans la même situation que vous. Si vous saviez comme vous êtes tout près du bonheur, vous n'avez qu'à tendre la main pour l'atteindre. Les éléments sont prêts. Il ne faudrait qu'un mouvement pour les combiner, qu'on les laisse seulement entrer en contact, et voilà le bonheur réalisé. Je ne comprends pas les énigmes. Je n'ai jamais pu deviner un rébus. Si vous voulez que je parle plus clairement, montrez-moi votre visage. C'est ici que notre destinée est écrite. Sur le front, autour des yeux, dans les yeux même, dans les lignes gravées autour de la bouche. Je me demande quelle pensée occupe votre esprit pendant les longues heures où vous restez au salon à voir ces gens du grand monde. Je me sens souvent fatiguée, mais je suis rarement triste. Alors c'est que vous nourrissez quelque espoir secret qui vous soutient en embellissant l'avenir. Moi ? Oh non. Mon espoir suprême serait de pouvoir faire assez d'économies pour ouvrir un jour une école dans une petite maison dont je serai locataire. Pauvre rêve pour en nourrir son espoir. Et assise dans votre coin, vous ne songez à rien d'autre qu'à votre future école. Vous ne vous intéressez donc à aucune des personnes autour de vous. Vous ne suivez pas une silhouette du regard avec curiosité. J'aime à observer toutes les silhouettes et tous les gestes. Qu'est-ce qui vous amuse le plus ? Oh, je n'ai pas le choix. C'est toujours le même thème, l'amour, tendant à provoquer la même catastrophe, le mariage. En diriez-vous autant du maître de la maison ? De tous les romans qui se déroulent ici, c'est le sien qui a le plus duré. Vous y avez deviné l'amour, n'est-ce pas ? Et regardant l'avenir, vous l'avez vu marié. Avez-vous envié le bonheur de la jeune épouse ? Pour une sorcière, votre divination est en défaut. Que diable y avez-vous donc vu ? Que vous importe ? Je suis venue ici pour vous interroger, non pour me confesser. Le mariage de Mr. Rochester est donc décidé ? Oui, il se marie avec la belle Miss Ingram. Et sans doute seront-ils très heureux. Si elle ne l'aime pas, elle aime sa bourse. Je sais qu'elle apprécie tout particulièrement le domaine de Thornfield. Mais je lui ai fait une révélation à ce sujet qui a semblé la contrarier. Je conseillerais à Mr. Rochester d'ouvrir l'œil, car s'il survient un prétendant plus riche, il sera évincé. Je ne suis pas venu vous demander l'avenir de mon maître, mais le mien. Votre avenir est incertain. Quand j'examine votre visage, un trait en contredit l'autre. La chance vous a départi. Une mesure comble de bonheur, je le sais. Elle l'a placée à l'écart, mais cependant, à votre portée. Il ne dépend que de vous d'étendre la main pour la saisir, mais le ferez-vous ? C'est justement ce que je cherche à résoudre. Mettez-vous à genoux et levez la tête. Le regard est doux, mais il me fuit. Il se dérobe à toute investigation. Il semble démentir l'exactitude de mes déductions. Il ne veut avouer ni sensibilité, ni regret. Son orgueil, sa réserve confirment mon opinion. L'œil est favorable. Quant à la bouche, elle s'épanouit souvent en sourire joyeux. Elle est disposée à divulguer toutes les conceptions du cerveau, mais elle voudrait taire tout ce que ressent le cœur. Mobile et flexible, elle n'était pas destinée à subir l'éternelle contrainte du silence et de la solitude. Cette bouche-là devrait parler beaucoup et sourire souvent pour des oreilles et des yeux aimés. Ce trait-là aussi est de bon augure. Il n'y a qu'un trait contraire à une destinée favorable. C'est le front. Ce front têtu déclare que la raison tient les rênes et qu'elle ne permettra pas aux sentiments de la mener aux abîmes. Les passions, la tempête, les tremblements de terre, l'incendie feront rage, c'est possible. Il n'en suivra pas moins les conseils de la conscience. C'est bien dit, noble front. On respectera ta décision. C'est tout. Mais je parle tout haut. Je voudrais que cette heure ne finisse jamais, mais je n'ose la prolonger. Je suis resté maître de moi jusqu'à présent. J'ai joué cette scène telle que je me l'étais promis, mais poursuivre ce jeu dépasserait mes forces. Relevez-vous, Miss Eyre, et laissez-moi seul. La farce est jouée. Eh bien, Jane, me reconnaissez-vous? Vraiment, monsieur, quelle idée bizarre! Mais bien exécutée, hein? Vous m'avez joué un personnage inexplicable. Vous avez voulu me faire parler. Ce n'est pas loyal, monsieur. Vous avez été très correcte, très prudente, très sensée. Eh bien, que signifie ce sourire grave? Il vous dit ma surprise et mon intime satisfaction, monsieur. Je ferais mieux de ne pas rester plus longtemps. Il est près de 11 heures. Ah, savez-vous qu'un étranger est arrivé ici depuis votre départ? Un étranger? Qui cela peut-il être? Est-il reparti? Non. Il a dit qu'il vous connaissait depuis si longtemps qu'il prenait la liberté de s'installer jusqu'à votre retour. Diable! A-t-il donné son nom? Il se nomme Mason, monsieur. Et il vient des Antilles. Mason. Les Antilles. Mason, les Antilles. Jane. Je viens de recevoir un coup terrible. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. Cinquième épisode. Avec Julie-Marie Parmentier, Éric Herson-Macarel, Bernadette Le Sachet, Jean-Claude Bonifay, Sarah Caponi, Sandy Boisard. Et les voix de Jean-Baptiste Artigas, Marie-Charlotte Billet, Valérie Branque, François Briot, Françoise Cousin, Sophie Doll, Manon Jusforgue, Donatien Guillot, Étienne Launay, Jean-Marc Layet, Rose Raguel, Bertrand Suarez-Passos. Bruitage, Patrick Martinache, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Musique originale, Denis Chouillet et le quatuor à cordes Cactus. Équipe de réalisation, Claude Niort, Manon Houssin, Vivien Demeyer, Juliette Eman.